du législateur. S'il est vrai qu'un grand prince est un homme rare, que sera-ce d'un grand législateur? Le premier, le prince, n'a qu'à suivre le modèle que l'homme doit proposer. Celui-ci est le mécanicien qui invente la machine, celui-là n'est que l'ouvrier qui la monte et la fait marcher. Le législateur est à tous égards un homme extraordinaire dans l'État. S'il doit l'être par son génie, il ne l'est pas moins par son emploi. Quand Lycurgue donna des lois à sa patrie, il commença par abdiquer la royauté. C'était la coutume de la plupart des villes grecques de confier à des étrangers l'établissement des leurs. Les républiques modernes de l'Italie imitèrent souvent cet usage. Celle de Genève en fit autant et s'en trouva bien. Rome, dans son plus bel âge, vit renaître en son sein tous les crimes de la tyrannie et se vit prête à périr pour avoir réuni sur les mêmes têtes l'autorité législative et le pouvoir souverain. Ainsi, l'on trouve à la fois dans l'ouvrage de la législation deux choses qui semblent incompatibles. Une entreprise au-dessus de la force humaine et, pour l'exécuter, une autorité qui n'est rien. Autre difficulté qui mérite attention, les sages qui veulent parler au vulgaire, leur langage, au lieu du sien, n'en saurait être entendu. Or, le législateur, ne pouvant employer ni la force, ni le raisonnement, c'est une nécessité qu'il recourt à une autorité de notre ordre qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre. Voilà ce qui força de tout temps les pères des nations de recourir à l'intervention du ciel et d'honorer les dieux de leur propre sagesse. Cette raison sublime, qui s'élève au-dessus de la portée des hommes vulgaires, est celle dont le législateur met les décisions dans la boue des immortels, pour entraîner, par l'autorité divine, ce que ne pourrait ébranler la prudence humaine. Mais il n'appartient pas à tout homme de faire parler des dieux, ni d'en être cru quand ils s'annoncent pour être leur interprète. La grande âme du législateur est le vrai miracle qui doit prouver sa mission.